comme je sens cette colère qui passe. Les remords remontent, j'ai envie de regret. C'est assez insupportable de se sentir coupable. Souvent les mots sortent sans savoir si ils sont justes. J'ai des parts de moi passionnées qui pleurent comme je m'en veux, tu ne sais pas. Ces flots d'incertitude, tes cœurs. Tu voudrais être ailleurs, je voudrais être avant. Chaque seconde où tu ne me crois plus sont des secondes qui creusent ma peine. Au fond, je sens ma lutte vaine, je te perds. Comme il est vide d'être seul, tout à coup ma présence est imposante et mon corps est lourd du poids de ma dérive. Si on pouvait lobotomiser quelques souvenirs choisis, chaque seconde où tu ne me crois plus sont des secondes qui creusent ma peine. Au fond, je sens ma lutte vaine, je te perds. Je te perds. Puis aux anciens mots se succèdent les nouveaux. Vierge comme avant, je voudrais croire une nouvelle fois. Après l'arc-en-ciel, la pluie. Après l'amour, la beauté, c'est...